Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la catastrophe aérienne du Mont-Saint-Odile le 20 janvier 1992. Cette histoire, c'est celle du crash d'un Airbus A320 de la compagnie Air Inter avec 96 personnes à bord, assurant la liaison Lyon-Strasbourg. Quelques minutes seulement avant son atterrissage, il s'écrase dans les montagnes vosgiennes, dans le froid et la nuit qui commence. 23 ans après, cet accident reste dans nos mémoires, avec des images difficilement effaçables pour toutes les personnes qui se sont rendues sur place. Sauveteurs, enquêteurs, journalistes. Je me souviens de cette arrivée sur les lieux. Avec mon confrère de France Inter, Dominique Delaroy, nous avons été guidés nos pas à l'odeur âcre de la tôle brûlée, peut-être des corps brûlés, enfin, quelque chose d'indéfinissable. Puis nous sommes arrivés devant cette carcasse coupée en deux. Nous avons vu d'abord les pompiers descendre de grands sacs en plastique noir ou gris dans un immense silence. Et puis, près de l'avion, un sol jonché de débris et de témoignages de vie interrompus quelques heures auparavant. Ici, incarné avec une dernière phrase inachevée, coupée en deux, elle aussi, comme l'avion. Là, une chaussure, plus loin, un jouet. Et ce froid terrible qui nous laissait imaginer les conditions dans lesquelles les survivants avaient dû attendre. La catastrophe du Mont-Saint-Odile s'inscrit dans la liste de ces affaires qui ont marqué l'opinion publique. D'abord parce que c'est en France que se produit la tragédie, que celle-ci fait 89 morts à bord d'un avion considéré comme le chantre de la modernité. Et enfin, parce que ce dossier va susciter de multiples polémiques autour des secours, des enjeux financiers de l'Airbus et des décisions de justice qui léseront les familles de victimes. Pour revenir sur cette histoire, nous avons invité le journaliste de France 3, Philippe Bette, en duplex dans les studios de France Bleu à Lyon. Il était sur place au moment de la catastrophe et il nous apportera son témoignage sur cet épisode qui l'a profondément marqué. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique aujourd'hui Kevin Pelot, Enzo Labori. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 20 janvier 1992, 19h15, dans le ciel d'Alsace où les nuages laissent progressivement leur place à la nuit noire, on peut apercevoir le clignotement des feux de position vert et rouge d'un Airbus A320 de la compagnie Air Inter. Celui-ci prépare sa descente vers l'aéroport de Strasbourg-Einstein. L'appareil a décollé de Lyon une heure plus tôt, avec à son bord 90 passagers et 6 membres d'équipage. C'est un vol de routine qui ne présente pas de difficultés particulières. Dans le cockpit, le commandant de bord et son copilote, tous deux très expérimentés, sont à la manœuvre avec le support du contrôleur radar de la tour de Strasbourg pour préparer la trajectoire finale et atterrir. Au sol, à proximité de la piste, les températures sont négatives. La visibilité est descendue rapidement en l'espace de quelques minutes. Plusieurs avions stationnent dans l'attente de leur décollage imminent. Face à cette situation, le contrôleur aérien indique à l'Airbus d'Air Inter qu'il va devoir procéder à un atterrissage via une procédure dite de type VOR-DME, qui signifie une approche à l'aide des balises de radionavigation. En gros, l'appareil suit un chemin préétabli, automatisé. Cette procédure est plus longue et plus fastidieuse qu'un atterrissage aux instruments. Malgré quelques réserves échangées sur cette procédure, les pilotes obtempèrent aux ordres de la tour. C'est ainsi que, dans l'obscurité qui les entoure désormais, l'appareil vire de bord et entame une longue boucle au-dessus des champs qui finit par l'amener au-dessus des collines du Mont-Saint-Odile. Aux commandes de l'Airbus A320, alors que celui-ci se présente de nouveau dans l'axe de la piste pour atterrir, l'équipage se prépare à la descente et met à jour les paramètres de vol sur le tableau de bord. Le train d'atterrissage est sorti, le chef de cabine annonce aux passagers une arrivée imminente. Mais soudain, alors que l'altimètre radar affiche 60 mètres d'altitude, dans la cabine, les échanges radio sont brutalement interrompus entre l'opérateur et l'appareil. Puis l'Airbus disparaît des écrans. Dans le quart d'heure qui suit, le président d'Air Inter, Jean-Cyril Spinetta, donne une conférence de presse improvisée et livre les premières informations relatives à la disparition de l'avion. À 19h20, le contrôle aérien de Strasbourg a perdu tout contact avec le vol Air Inter 5148, assurant la destination Lyon-Strasbourg. Dès que cette information a été connue, Les secours ont été immédiatement déclenchés par la préfecture du Bas-Rhin sous l'autorité du préfet de région et l'ensemble de l'entreprise Air Inter s'est mobilisé à Strasbourg, à Lyon et à Paris pour avoir les informations et coordonner l'ensemble de ces opérations pour ce qui concernait la compagnie Air Inter. L'avion est un avion A320 mis en ligne en 1988 ayant assuré 6312 heures de vol et 7188 étapes sur les lignes d'Air Inter. L'avion ne transportait ni fret ni courrier postal. L'alerte est donnée par le contrôle aérien de Strasbourg au centre de secours et à la préfecture qui déclenche le plan SATER, un plan de sauvetage aéroterrestre pour les avions en détresse et bien sûr le plan rouge. Ainsi, l'ensemble des moyens de secours et d'urgence sont-ils mis en état d'alerte sous le commandement de la préfecture. Seulement, avant de pouvoir faire partir les colonnes de véhicules de pompiers et des médecins avec leur matériel pour aider d'éventuels rescapés, il faut d'abord arriver à localiser l'avion. Vers 20h, malgré les efforts des gendarmes mobilisés, celui-ci reste introuvable. Au poste de commandement opérationnel établi à la gendarmerie de Bar, à l'aide des projections cartographiques, le scénario qui, à ce moment-là, privilégie est bien celui d'un crash, un crash de l'appareil dans les collines à proximité du mont Saint-Odile et de la commune d'Andelot, dans le sud-ouest de Strasbourg. Or, la zone à quadriller s'étend au fur et à mesure des indications et contre-indications données par les différents opérateurs radars. Et elle finit par atteindre une surface de près de 20 km². De plus, elle est difficilement accessible par voie terrestre et surtout, il y a l'obscurité et le froid qui rendent délicates toutes les observations aéroportées menées par les gendarmes. Progressivement, ce sont trois zones qui sont délimitées pour les recherches. D'importants moyens civils et militaires sont déployés afin de retrouver le plus vite possible l'épave de l'appareil et d'éventuels survivants, comme le confirme sur Antenne 2 le directeur de cabinet du préfet d'Alsace, Jean Ambrogiani. Les moyens engagés, ce sont à la fois des hommes, c'est-à-dire des gendarmes, des militaires au sol. Il y en a donc plus de 200 qui ont circonscrit le secteur potentiel, relayé par des repérages effectués par deux super pumas de l'armée de l'air, aidé par l'hélicoptère de la sécurité civile et renforcé par le Mirage F1 de l'armée de l'air qui va faire dans quelques minutes des repérages par infrarouge. Bon, à l'instar de nos informations, il n'y a pas de localisation très précise. Tout au plus, les gendarmes ont recueilli le témoignage de quelqu'un qui a entendu vers 19h30 une détonation dans le secteur concerné, ce qui pourrait confirmer la disparition possible de ce vol dans ce secteur, puisque c'est là où, en principe, il a amorcé son virage pour regagner la base d'Enzheim. Sur place, dans les environs du Mont-Saint-Odile, les véhicules de gendarmerie dispersés ici et là patrouillent sans relâche sur les petites routes sinueuses. Dans les airs, les hélicoptères, eux aussi, sont à la recherche du moindre indice, de la moindre lumière qui pourrait donner au secours, au sol, une piste. Mais non, rien. Pourtant, si l'avion s'est écrasé, et on ne voit pas d'autre scénario pour l'instant, il doit forcément y avoir un incendie ou des flammes résiduelles quelque part. Malheureusement, en cette nuit d'hiver, la neige a complètement recouvert le relief. Au PC de crise, installé à Bar, non loin de Strasbourg, les minutes défilent, puis les heures. Les véhicules des pompiers et du SAMU sont toujours cantonnés dans leur caserne dans l'attente d'un ordre de départ et d'une localisation de la zone du crash. Il est 23h30, soit plus de 4 heures déjà depuis la disparition de l'avion, lorsqu'un riverain appelle les gendarmes pour les prévenir qu'il a retrouvé l'appareil. Cet homme, c'est un vitrier, Marc Frey. Il a entendu l'avion s'écraser et il s'est guidé tant bien que mal jusqu'à l'appareil grâce aux odeurs de kérosène. Il raconte son aventure au micro de France Inter. Je suis descendu avec un des survivants, celui qui était le plus valide, je crois qu'il venait de Marseille. Et je suis descendu avec lui pour chercher du secours. Et l'autre qui était avec moi, il est resté pour un peu consoler ceux qui donc attendaient les secours. Dès qu'on est arrivé en bas, il y avait des militaires et des gendarmes qui sont venus. Moi, j'ai attendu qu'un groupe de gendarmes soit constitué pour les guider vers le lieu de d'âme. Parce qu'il bon, il fallait monter un petit sentier, il fallait connaître un peu. C'était environ 20 minutes de la route. Et il n'avait rien du tout. La moitié des militaires avaient une petite lampe de poche, mais qui n'éclairait presque rien. Et puis, donc, ils ont fait des brancards de fortune avec les vestes et des couvertures qu'on a trouvées. sur place. On a fait des brancards avec des branches et on a couché les gens là-dessus et puis, enfin, les, on n'avait plus tellement. C'est seulement peu après minuit que les équipes de secours finissent par arriver au lieu dit La Blosse, une colline qui plafonne à près de 800 mètres d'altitude et qui se trouve à 2 km du Mont-Saint-Odile. L'avion est là, dans un sommet boisé. Les conditions d'évacuation des blessés et des victimes sont particulièrement difficiles. Les secouristes sont obligés d'emprunter un sentier escarpé. Ils mettent près de 30 minutes pour atteindre le lieu du crash et redescendre les blessés vers les postes de secours avancés. Il fait moins 5 degrés. Dans la neige et le verglas, une vingtaine de médecins assistés d'infirmières spécialisées sont à pied d'œuvre pour évacuer les personnes qui ont encore une chance d'être sauvées. Dans la grande salle de l'aéroport de Strasbourg où sont rassemblées les familles et les proches des passagers, un responsable de la compagnie Air Inter vient annoncer le bilan de la catastrophe. Sur les 96 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion, seules 9 d'entre elles ont survécu et sont prises en charge dans les hôpitaux de l'agglomération. Puis l'homme s'avance et annonce le nom des survivants. Pour les nombreuses familles, c'est le choc, comme en témoigne une journaliste qui a assisté à la scène. Comment ça s'est passé ? Très mal, il y a des gens qui se sont effondrés, les gens ont commencé à pleurer, il y a certaines personnes qui ont commencé à pleurer. C'était vraiment très dur, très très très insupportable. Hein. Il y avait des enfants aussi, visiblement ils attendaient un père, un mari. Il y avait un monsieur allemand qui ne comprenait pas très bien ce qui se passait et à qui une interprète a essayé d'expliquer que les recherches vont continuer. Il disait, mais alors pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Et elle disait, non, mais ça va continuer, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu le nom. Visiblement, il était complètement largué. Au même moment, une vingtaine de kilomètres de là, sur le site du crash, les équipes de secours laissent progressivement leur place à celles des enquêteurs. Car après les opérations de sauvetage, place désormais à l'enquête, et celle-ci s'annonce sensible. Le lendemain du crash, perdu en pleine forêt, l'Airbus A320 d'Air Inter n'est plus qu'une épave qui gît à 820 mètres d'altitude sur l'une des collines du Mont-Saint-Odile. Malgré le froid et la neige, la carcasse fume encore. Ici ou là, on peut apercevoir quelques piquets sordides qui rappellent l'emplacement des corps des victimes de l'accident, 87 au total. Les sapins sentent encore le kérosène qui s'est vidé de l'appareil après le crash et qui, heureusement, n'a pas pris feu. Un peu plus loin, les enquêteurs du bureau enquête et analyse, le BEA, fouille et analyse les débris de l'appareil dans un silence glacial, au propre comme au figuré. Dans la nuit, on a déjà retrouvé les deux boîtes noires, dont l'enregistreur des conversations dans le cockpit, le CVR, Cockpit Voice Recorder, en bon état. L'autre boîte noire, celle qui enregistre tous les paramètres de vol, la DFDR, Digital Flight Data Record, a fondu. Les enquêteurs apprendront que pour se réchauffer en attendant les secours, les blessés ont allumé un feu avec les débris de l'appareil juste au-dessus de la seconde boîte noire. Heureusement, un autre appareil électronique, le QAR, Quick Access Recorder, retrouvé intact celui-là, va fournir de précieuses indications sur la trajectoire et les paramètres à bord de l'avion. L'un des deux envoyés spéciaux de France Inter fait le point sur la situation. Au sommaire ce soir, 87 morts, 9 rescapés dans la catastrophe du Mont-Saint-Odile en Alsace. En procédure d'atterrissage, l'Airbus d'Air Inter était beaucoup trop bas. Sur place pour France Inter, l'un de nos envoyés spéciaux, Fabrice Drouel. Cet après-midi, les gendarmes et les pompiers, appuyés par l'armée, ont continué le ramassage des corps autour de l'avion. Puis les voitures des pompes funèbres les ont acheminés vers la chapelle ardente, dressée à Bar, la petite ville située à une dizaine de kilomètres du lieu de la catastrophe. Ce soir, tous les corps devraient être ainsi rapatriés. Les effets personnels des victimes ont également été ramassés, soigneusement placés dans de gros sacs de plastique noir. Reste maintenant sur le Mont-Saint-Odile les débris de l'avion, auxquels on ne va surtout pas toucher pour les besoins de l'enquête. Cette nuit, un peloton de gendarmerie va surveiller le site, des gendarmes qui vont passer de longues heures sur les lieux du drame par un froid quasi polaire. Au moment où je vous parle, il fait moins 12 degrés sur le Mont-Saint-Odile. En bas, dans le village, l'atmosphère est au recueillement. Depuis le petit matin, des familles arrivent dans un cortège silencieux et émouvant. À 14h45, cette fois, c'est un cortège de voitures noires qui entre dans le village. C'est la visite d'Edith Cresson, venue se recueillir. Une visite brève, à peine un quart d'heure. Puis le Premier ministre est reparti, le visage grave, sous l'œil des nombreux journalistes présents ici depuis la catastrophe d'hier soir. Plus tard dans la journée, le ministre des Transports, Paul Quilès, lui aussi sur place, annonce qu'il nomme une commission d'enquête spéciale afin de faire toute la lumière sur l'accident. Et il affirme « Je vous promets que l'enquête sera menée avec transparence et minutie, elle sera indépendante et rapide. » Dans les hôpitaux de l'agglomération strasbourgeoise, de nombreux journalistes tentent d'obtenir le témoignage de l'un des 9 rescapés. Parmi eux, il y a Romain, un jeune garçon de 9 ans seulement, le regard encore un peu perdu qui reste allongé sur son lit d'hôpital, à côté de sa mère. Face aux journalistes, il revit la scène du crash et il explique qu'il avait quitté le matin même son père à Aix pour retrouver sa mère à Strasbourg. Et puis, dit l'enfant avec ces mots, le voyage s'est arrêté d'un seul coup. Je voulais que ce soit un cauchemar, mais ça n'en était pas un. J'avais déjà remarqué. Puis, il y avait des personnes qui étaient en train de dormir. Et puis, il y avait beaucoup de au secours. Puis, il y avait un monsieur cramé plus loin. Le monsieur, il n'arrêtait pas de crier pour qu'on vienne le chercher. Romain était assis comme tous les autres survivants à l'arrière de l'appareil. Il doit son salut au courage d'un autre rescapé qu'il a extirpé de la carcasse de l'avion dans les minutes qui ont suivi l'accident. Plus loin, dans le couloir de l'hôpital, une autre personne atteinte plus gravement à la tête et au bras témoigne de la scène de chaos sur place et de l'interminable attente avant de voir arriver les secours. J'étais en train de lire, je n'ai rien remarqué, franchement rien. Tout d'un coup, je me suis retrouvé là, que... C'est de la chaleur ou quoi, qui se dégageait de l'arrière, qui a fait que ça m'a brûlé. Mais de toute façon, j'ai pas hésité longtemps, j'ai voulu partir, et puis en voulant me mettre debout, j'ai pas réussi, je suis tombé. Et puis après, bon, j'ai rampé pour m'éloigner de l'appareil, parce que je pensais que ça risquait de prendre feu beaucoup plus rapidement. Et si le kérosène explose, je suis fichu. Mais j'avais une petite chemisette avec un petit pull. Et dehors, il devait faire moins 15. Plus le vent, plus la neige qui tombait des arbres. Alors, inutile de vous dire, quand vous attendez des heures entières, je ne sais pas si c'est 6 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, j'en sais rien. Le temps vous semble lent et vous voyez le moment où vous allez partir. Comme les autres qui criaient là-haut, enfin qui ont crié à un moment donné, qui criaient plus, parce que ça s'est tué finalement. J'ai entendu tout d'un coup des voix. Dans la forêt, ça se répercute. Et j'ai commencé à nouveau à crier, à hurler, à crier. Moins fort que ceux qui malheureusement sont morts là-haut. Parce que là aussi, je les revois, j'entends cette nuit encore. C'est terrible. Dans les heures qui suivent, une question monopolise l'attention des familles et des journalistes. Mais enfin, pourquoi les secours ont-ils mis près de 4h30 pour arriver sur le site du crash ? Ici s'écrivent les lignes de la première polémique autour de cette affaire, et on va le voir, ce ne sera pas la seule. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le crash de l'Airbus d'Air sur le Mont Saint-Odile près de Strasbourg le 20 janvier 1992. Notre invité, ce sera en deuxième partie d'émission Philippe Bette en duplex des studios de France Inter à Lyon. Il est journaliste pour France 3. Il avait assisté à cette catastrophe. Il l'avait couverte. Il était arrivé très tôt sur les lieux du drame. Dans les jours qui suivent la catastrophe, le juge Guichard, qui enquête pour établir les responsabilités dans cet accident, doit répondre à la colère des familles et à une première polémique, celle du retard des secours. Le site du crash n'est distant que de 25 kilomètres de Strasbourg. Alors, la neige et le froid sont-ils les seuls facteurs qui peuvent expliquer ce décalage ? Très vite, les experts apportent aux familles une première explication. La balise Argos de l'appareil, celle qui permet sa localisation en permanence par satellite, a été totalement détruite lors de l'impact. Puis c'est le juge Guichard qui monte au créneau, excluant toute faute pénale de la part des responsables de la préfecture et des services de secours. Le magistrat s'appuie sur le rapport d'autopsie des médecins légistes. Celui-ci stipule qu'aucun des blessés et ceux qui sont morts après le crash n'auraient pu survivre au-delà d'une heure vu la gravité de leur traumatisme. Du côté de la préfecture, on affirme et on réaffirme que tous les moyens ont été mis en place pour tenter de sauver les victimes de l'accident. Mais la météo difficile, due à un fort enneigement et les informations contradictoires émises par des contrôleurs radio ont rendu difficile la localisation de l'appareil. Un point de vue que partage le commandant des pompiers intervenu le soir du drame sur les collines du Mont-Saint-Odile. La localisation de l'avion était très difficile, était rendue très difficile du fait que la balise n'émettait plus. Les secours ont été déplacés dans un triangle faisant environ 20 km de côté. Les secours sapeurs-pompiers ont donc été acheminés dans ce triangle et attendaient les informations, les différentes informations des responsables de gendarmerie qui faisaient des patrouilles et des recherches pour localiser l'avion qui s'était crashé donc dans une zone forestière d'environ 8000 hectares à 800 mètres d'altitude. Les secours acheminés sur les lieux après la localisation ont dû se déplacer à pied avec des dénivelés très importants, des températures de moins 5 à moins 10 degrés dans le brouillard et avec une hauteur de neige d'environ 30 cm. Avec le recul et grâce aux nombreux témoignages à disposition, tout laisse apparaître que c'est un problème majeur de coordination, de synchronisation et de direction des différents moyens de secours au niveau de la préfecture qui explique ce retard de prise en charge. Et puis ne l'oublions pas, nous sommes en 1992, il n'y a pas encore de téléphone portable ni de GPS embarqué dans des véhicules de secours. Tout se fait par radio VHF à l'aide de cartes également et de lampes de poche dans une zone montagneuse escarpée. Dans les jours qui suivent, une seconde polémique éclate. Elle concerne cette fois l'appareil qui s'est crashé. Il s'agit d'un Airbus, mais pas de n'importe quel Airbus, le dernier né à cette époque du constructeur européen, l'A320. Une machine que l'on dit révolutionnaire et qui, par rapport à un avion classique, possède autant de différences qu'il y en aurait entre un ordinateur et une machine à écrire. Une révolution de l'aviation qui a pourtant déjà fait parler d'elle dans l'actualité, mais pour d'autres raisons. Quelques mois seulement après sa mise en service commercial en juin 88, l'A320 est une première fois mis en cause lors de l'accident d'Absheim. Problème d'informatique puis problème moteur seront tour à tour incriminés par l'équipage. Après une minutieuse enquête, c'est la faute humaine qui sera finalement retenue. Cet accident fera 3 morts sur les 136 passagers qui étaient venus participer à un simple vol de démonstration. 2 ans plus tard, le 14 février 1990, un A320 d'une compagnie intérieure indienne s'écrase peu avant l'atterrissage à Bangalore. 90 personnes périssent. Là encore, les responsables d'Indian Airlines mettent en cause l'informatique de l'avion. Les A320 d'Indian Airlines seront arrêtés avant que là aussi la commission d'enquête conclue à l'erreur humaine. 4 ans d'exploitation, 3 accidents pour l'avion le plus sophistiqué de l'aéronautique européenne. Étrange bilan tout de même. Et à chaque fois, toujours dans les mêmes conditions et les phases d'approche. Il faut dire que, sur la 320, le pilotage de l'appareil n'a plus rien à voir avec ce que connaissent les pilotes. Fini le manche classique qui fait office de gouverne, ici tout est remplacé par un minuscule joystick de la taille d'une main situé à la gauche du pilote. Fini aussi les multiples cadrans d'indications mécaniques, d'altitude, altimètre, de vitesse, anémomètre ou encore les compas à gyroscope. Tout est désormais remplacé par des écrans sur lesquels ces informations sont reproduites de manière numérique. Pour certains pilotes, il faut presque réapprendre à voler. Aussi, cette informatisation à l'excès pourrait-elle expliquer une erreur de pilotage ? À moins qu'il ne s'agisse d'un défaut de conception des systèmes de l'appareil. Pour le ministre des Transports, Paul Quillès, rien ne doit interdire, en tout cas à l'avion, de voler. On ne peut pas, avant d'avoir les résultats d'une enquête, et alors que toutes les hypothèses sont ouvertes, dire « nous arrêtons une exploitation d'un avion ». Ça n'a aucun sens. Le nombre, M. Spinetta ou M. Attali peuvent donner des chiffres, du nombre d'A320 qui sont exploités, du nombre d'heures de vol. 250 en exploitation, le nombre d'heures de vol. 500 000 heures de vol. Plus de 500 000 heures de vol accumulées pour l'A320. Attendons les résultats de l'enquête. Dans les jours qui suivent la catastrophe, alors que la plupart des corps ne sont toujours pas formellement identifiés, le célèbre dessinateur alsacien Tommy Ungerer, dont la sœur est décédée durant le crash, décide de créer une association d'entraide aux familles de victimes. Son nom est ECHO. C'est un acronyme pour Entraide de la catastrophe des hauteurs de Saint-Odile. Il en quittera rapidement la tête pour laisser sa place à Alvaro Randon, qui lui a perdu son épouse au moment de la catastrophe. Personne n'imagine alors le marathon judiciaire qui s'annonce. Vingt jours plus tard, à la fin du mois de février 92, les experts de la commission d'enquête dirigée par Alain Monnier sous la tutelle du ministre des Transports, Paul Quillès, rendent leur rapport provisoire. Devant une salle remplie de journalistes, le ministre des Transports présente les deux scénarii qui pourraient, sous réserve de certaines investigations plus poussées, expliquer l'accident. Ces deux trames pointent une responsabilité humaine. La première insiste sur une possible erreur du choix de mode de descente réalisé par les pilotes, et la seconde sur une possible erreur d'affichage de la valeur sélectionnée pour la descente. Comprenez, une erreur de réglage du bouton de descente par les pilotes. Le 18 janvier 1993, un an après la catastrophe, c'est un autre rapport provisoire, celui-là demandé par la justice, qui établit avec certitude que l'accident du Mont-Saint-Odile aurait pu être évité si l'appareil avait été équipé du système GPWS, un système d'avertisseur de proximité du sol, comme l'explique le procureur de la République de Colmar, René Pêche. Selon la note des experts, un tel système, s'il avait été monté sur l'avion, je cite, aurait fourni une alarme significative pendant un temps suffisamment long pour permettre à un équipage formé et sensibilisé à cet équipement d'effectuer une remise de gaz en temps utile et par conséquent de faire remonter l'avion et de passer au-dessus de la montagne. C'est pourquoi le juge d'instruction aujourd'hui a inculpé pour homicide et blessure par imprudence le directeur de l'exploitation aérienne d'Air Inter, qui était chargé, à l'époque de l'accident, de la sécurité générale des avions. Peu avant cette décision, Air Inter, qui avait été longtemps réticent au système GPWS, l'avait fait installer sur toute sa flotte d'Airbus. En novembre 1993, près de 2 ans après l'accident, le rapport définitif est présenté. D'emblée, il insiste sur l'absence de certitude pour expliquer les causes des crashs. Il privilégie la trame d'une erreur des pilotes sur le choix du mode de descente et d'une confusion liée à l'ergonomie des boutons. En voulant afficher un angle de descente de 3,3 degrés, l'équipage aurait affiché un taux de chute de 33, ce qui correspond à 3300 mètres par seconde, ce qui aurait provoqué bien sûr une descente trop rapide de l'appareil. Le rapport pointe également l'inexpérience du duo de pilotes sur ce type d'avion, l'A320, ce qui en phase d'approche leur aurait fait privilégier la navigation horizontale plutôt que la navigation verticale. Enfin, le rapport évoque l'absence de système GPWS qui aurait pu éviter l'impact en prévenant les pilotes. De leur côté, les experts Venet et Bellotti en viennent aux mêmes conclusions, mais pointent aussi un possible dysfonctionnement du système VOR qui sert à positionner l'avion par rapport au sol et qui aurait pu décaler la trajectoire de l'appareil après une mauvaise réception du signal. Explication. Il l'aurait précipité vers la montagne pour ces raisons-là. Pour l'association des familles victimes, Echo, c'est un élément clé de la cause de l'accident et Airbus doit être inculpé. Alors que le juge François Guichard, qui a déjà inculpé le directeur de la direction de l'aviation civile, Pierre-Henri Gourjon, ainsi que des responsables de la sécurité aérienne et de la compagnie Air Inter, s'apprête à clore l'enquête en janvier 1996, l'association de familles et victimes demande de nouvelles expertises et contre-expertises. Il faut ensuite attendre le mois de mai 2006, soit 14 ans et demi après l'accident, pour que se tienne à Colmar le procès du crash du Mont-Saint-Odile. Et la presse se fait l'écho d'une nouvelle polémique, encore une. Selon des familles victimes, Airbus aurait fait pression sur l'État pour retarder tout jugement qui pourrait nuire aux intérêts commerciaux de son A320. Si pour les familles victimes, cette hypothèse est vraisemblable, deux autres facteurs peuvent aussi expliquer de façon plus pragmatique ce marathon judiciaire. D'une part, les multiples expertises et contre-expertises demandées par l'association Echo et le constructeur Airbus qui ont considérablement rallongé la procédure. D'autre part, le juge qui instruit l'affaire du Mont-Saint-Odile est le même que celui du crash d'Absheim. Les deux affaires ici se télescopent car on retrouve les mêmes collèges d'experts. Toujours est-il qu'au terme du procès le 26 juin 2006, les six prévenus de la Direction Générale de l'Aviation Civile, d'Air Inter et d'Airbus qui comparaissaient pour homicide et blessures involontaires sont tous relaxés. Cependant, le tribunal reconnaît la responsabilité de la société Airbus et d'Air France qui a fusionné avec Inter en 1997. Les familles sont indemnisées. Elles décident de se pourvoir en appel toutefois. Une procédure qui, un an plus tard, confirme la relaxe des six prévenus, mais également d'Airbus. Et une partie des indemnisations sont annulées. Cet arrêt marque pour les familles comme un deuxième crash, judiciaire celui-là, confirmé par la décision de la Cour de cassation en septembre 2009. Aujourd'hui, 23 ans après l'accident de l'Airbus d'Air Inter, le marathon judiciaire est terminé. Il aura pointé des responsabilités, mais désigné aucun coupable pour la mort des 87 passagers de l'Airbus ce 20 janvier 1992 sur le Mont-Saint-Odile. Un crash survenu à un moment clé de l'exploitation des avions du constructeur européen, surtout l'A320, cet appareil dans lequel vous avez toutes les chances de voyager dès lors que vous prenez un billet aujourd'hui pour une courte ou moyenne correspondance. Les enjeux commerciaux étaient si énormes que la recherche de la vérité s'en est trouvée forcément au mieux discutable, au pire suspecte. Thank you. Affaire sensible sur France Inter, aujourd'hui le crash du Mont Saint-Odile, cet Airbus A320 d'Air-Inter qui s'est donc crashé sur les montagnes pendant la phase d'atterrissage juste à côté de Strasbourg. Nous allons y revenir avec Philippe Bette, notre invité. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors je rappelle que vous êtes en duplex dans les studios de France Inter à Lyon avec aux manettes Claire Vuillot que nous saluons et que nous remercions. Première question, Philippe Bette, comment avez-vous appris la nouvelle, vous, la nouvelle de la disparition de l'avion? Comment on vous a prévenu et qu'est-ce qu'on vous a dit, avec quels mots? Je vous dirai pourquoi je vous pose cette question-là. Eh bien écoutez, j'étais en poste à Strasbourg à l'époque, j'étais reporter à France 3 Alsace et il se trouve que ce jour-là précisément je présentais le journal télévisé à 19h. Aucune information alarmiste ne nous était parvenue pendant le journal. Nous étions donc dans l'ignorance complète de ce qui s'était passé. Nous l'apprendrons un peu plus tard, l'avion s'était crashé à 19h20 pendant le journal. L'édition terminée, je rentre chez moi tout simplement et puis à peine rentré, le téléphone sonne. Au bout du fil, mon rédacteur en chef, Yves Dubois, qui m'annonce un Airbus d'Air Inter a disparu des écrans radars. On recherche sa trace. Alors je lui demande évidemment, comme tout journaliste, s'il est sûr de sa source. Il me confirme que oui. C'est Adrien Zeller, le conseiller régional, qui vient de l'en informer très directement. Je réclame des précisions sur le périmètre de recherche. Alors curieusement, le périmètre de recherche au départ est un triangle de 5 km de côté. Et puis il s'élargit une demi-heure plus tard. Il fait 20 km de côté, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ce qui compliquera singulièrement la zone de recherche. Alors, mon rédacteur en chef reste très vague, hein, il n'en sait pas plus que ça. Il me parle du Mont Saint-Odile quand même, sans autre certitude, c'est tout près, c'est à une demi-heure, 40 minutes de route. Et il me dit, tu prends la route, il faut que tu tournes avec ton caméraman, Denis Becker, et tu me rappelles dès que tu sais quelque chose. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais à quel moment, bon, moi mes souvenirs sont peut-être moins précis que les vôtres, à quel moment on comprend que l'avion s'est crashé? Parce qu'un avion qui disparaît des radars, c'est toujours mauvais signe. Ça ne veut pas dire forcément qu'il s'est crashé, on peut le retrouver juste après. À quel moment de la soirée on pense que ce scénario du crash dramatique est incontournable? Je vais vous dire, on le comprend tout de suite. Quand j'ai reçu l'appel, un frisson m'a parcouru l'échine, si vous voulez. J'étais terrifié, je me suis dit, je vois pas comment il a pu disparaître des écrans radars et avoir atterri quelque part, donc on comprend tout de suite. Pardonnez-moi, on comprend tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il après? Comment, vers quelle heure arrivez-vous à la proximité, du site? Comment ça se passe? Racontez-nous les étapes successives. Voilà, c'est très important que vous compreniez un petit peu cette chronologie, parce que c'est une chronologie qui a beaucoup d'importance dans la compréhension de la catastrophe dans la catastrophe. Hein. Il y a une catastrophe, c'est le crash, évidemment, et puis il y a une deuxième catastrophe dont on ne parlera finalement pas beaucoup. Hein. C'est l'acheminement tardif des secours et ces victimes qui finalement sont mortes sans qu'on leur porte assistance en temps et en heure. Alors nous, on est parti très rapidement, on a pris la voiture, on a pris la direction du Mont Saint-Odile et assez curieusement, on nous annonce à la radio qu'il y a d'énormes moyens mis en place. Alors on est quand même très surpris parce qu'on est tout seul sur la route. Hein, donc curieusement, on est sur la route du sommet, on ne croise personne, ni pompiers, ni gendarmes et on arrive rapidement au sommet du Mont Saint-Odile. Il est, 20h45. Une ambiance étrange, l'abbaye est enneigée, un léger brouillard. Il fait très froid, hein, moins 10 degrés. Et puis il y a là quelques voitures garées avec de longues antennes. On pense à la police, une mobilisation, mais pas du tout. Ce sont des cibistes qui se sont mobilisés spontanément pour participer aux recherches. Donc c'est vous dire, les villageois, les cibistes, mais on voit personne d'autre, ce qui est quand même très, très surprenant. On redescend dans la vallée et puis on croise alors pour la première fois, garé sur un chemin, des voitures de gendarmerie, mais il n'y a personne dedans. Donc on n'a pas plus de renseignements que ça. Et on poursuit notre chemin parce qu'on cherche, comme tout le monde. CNN m'appelle sur le téléphone de la voiture pour me demander des précisions. Évidemment, je suis bien en peine de leur donner quoi que ce soit. Et on poursuit notre route. Alors, cette anecdote a quand même une importance parce que vous allez comprendre que finalement, on nous parle d'un déploiement de moyens forcenés. Et finalement, dans la zone, il n'y a pas grand monde qui sait. On arrive dans un village. Je ne saurais plus vous dire le nom du village, mais c'est dans la zone présumée des recherches. Autour de Bar. La mairie est éclairée, on s'attend à voir une cellule de crise, des pompiers mobilisés, enfin bon, voilà. En fait, rien de tout cela, le conseil municipal est réuni au grand complet, il délibère de façon très, très paisible, comme si de rien n'était. Il est quelle heure 21h à peu près ? là. Oh, il est un petit peu plus tard que ça, hein, il est 21h30. Mmh. Hein. Okay. Et c'est donc moi qui vais apprendre au maire qu'un avion de ligne s'est crashé tout près de sa commune. Personne ne l'a encore prévenu. Alors là, excusez-moi, je suis quand même assez sidéré. Y a parce que je suis le premier à avertir le maire de ce petit village dans le périmètre des recherches qu'un avion s'est crashé avec probablement à bord de nombreuses victimes et pas le plus petit début d'une mobilisation à ce moment-là. Alors, on se dirige à ce moment-là, par défaut, vers le massif de la Blosse. Si vous voulez, on cherche des éléments, hein, évidemment. On est comme tout le monde, hein, on n'a pas plus d'éléments que les autres. On cherche, et puis il ne faut pas compter sur les militaires pour nous donner des infos. Hein, ça, il ne faut pas y croire. Et on arrive là à un croisement. Alors, il se passe quelque chose là. Il y a une certaine fébrilité, je ne saurais pas vous dire quoi. Une sorte de vibration. Il y a des radios amateurs, là encore. Une voiture de gendarmerie arrêtée, une seule, hein, pas 30, une voiture de gendarmerie. Deux militaires à l'intérieur, avec des képis, consultent des cartes. Ils sont perdus apparemment, ils refusent de nous parler, évidemment. Mais alors là, cette fois, nous sommes certains d'être tout près du lieu du crash pour une raison toute simple. Il flotte là une forte odeur de kérosène. Absolument. Je me souviens de cette odeur aussi. On s'en souvient caractéristique tous. Et glaçante aussi, parce qu'on sait que, bon, voilà, c'est fini, quoi. Et là, vous suivez, si j'ose dire, la trace de l'odeur du kérosène, et vous arrivez sur le lieu. Alors là, il a fallu que je ruse un petit peu, parce que, évidemment, les journalistes n'étaient pas les bienvenus. On filme, on commence à filmer, on sent qu'il se passe quelque chose. Un petit groupe de gens se forme, on commence à filmer, des villageois sortent de la forêt affolés. Ils sont suivis d'un homme au visage ensanglanté. Il s'appelle Nicolas Scourias. Oui. Il est le premier rescapé de la catastrophe du Mont-Saint-Odile. C'est lui qui a recueilli l'enfant, non ? Et je vais faire son interview. C'est lui qui a sauvé l'enfant qui était à côté de lui, Nicolas Scourias. Il a été sauvé par le villageois dont vous avez parlé tout à l'heure, le vitrier. Mmh. Hein, c'est lui qui l'a descendu. Et dans un souffle, il va me dire qu'il n'est pas tout seul. Donc on va là reprendre un petit peu espoir parce que on se dit qu'il y a des rescapés, mais évidemment, à ce moment-là, on ne sait pas combien. À partir de là, on sait quand même, pardonnez-moi, il est 22h30, on sait quand même que l'avion est tout prêt. Et alors là, on s'attend à voir très vite des médecins, des ambulances du SAMU, des pompiers, des secours affluer de toutes parts. Ben là, non, rien. Rien, en tout cas, pas tout de suite. Les choses se précipitent. Oui. Pardon ? Alors, à partir du moment où vous voyez personne, vous savez que vous êtes proche de l'avion, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Ben écoutez, je suis obligé d'abandonner mon caméraman parce que avec une caméra, c'est un peu compliqué de passer inaperçu dans une colonne de militaires. Donc, je vais me glisser très subrepticement dans une colonne de militaires qui remonte un petit sentier de montagne escarpé. Et donc, il nous faut une quinzaine de minutes à peu près pour rejoindre le site du crash. Et quand nous arrivons, nous découvrons finalement la scène tragique de l'accident, la carlingue désintégrée, complètement disloquée, la cime des sapins décapitée. Et puis au loin, on discerne regroupés autour d'un feu, transit froid, quelques rescapés. Alors Philippe, pendant que vous nous racontiez ce périple pour arriver jusqu'à l'avion, donc évidemment là c'est un temps compressé, on l'a fait en 4 minutes, mais ça a pris des heures. Et pendant ces heures-là, les rescapés ont souffert de froid et on le dit, hein, certains ont perdu la vie aussi à cause de cette attente. Hein, bien là, je le pense, personnellement, on peut l'affirmer, voilà, mais c'est je le pense. En tout cas possible, malheureusement possible. Alors, les secours, les conditions difficiles, bien sûr. On va entendre une petite archive ensemble, on la commentera après. C'est Haroun Taziev, ancien secrétaire d'État au risque majeur, qui s'exprime sur l'organisation des secours lors de grandes catastrophes et tous les problèmes inhérents à cette organisation. En ce qui concerne l'organisation des secours après une catastrophe importante, notre pays, pas plus que les autres, nous sommes peut-être moins mauvais que les autres, mais dans aucun pays, l'organisation des secours pour les vraies catastrophes, les grandes catastrophes, ne me satisfait, et ne satisfait d'ailleurs personne, notamment à cause des délais que mettent les secours pour être efficaces, pour arriver. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité dans des secours ? C'est sauver les survivants, qu'ils soient indemnes ou qu'ils soient blessés. Il faut sauver les survivants, les morts sont morts. Mais là, dans le cas précis, on pouvait guère aller plus vite, enfin, M. Ambrogiani va le dire, voilà. Et puis les témoignages sont là, j'ai l'impression que bon, le froid, la nuit, absolument, la neige, le brouillard, le fait qu'on n'a pas pu localiser l'avion, je vois pas ce qu'on pouvait faire de plus. Ce que je viens d'entendre, ce que j'avais lu hier dans la presse, montre qu'on a fait ce que l'on pouvait. Voilà, Philippe, donc cette polémique, elle a mis tout le monde mal à l'aise. Au début, moi je me souviens, à Strasbourg, on se disait, mais pourquoi cette polémique? Les secours, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Finalement, on s'aperçoit que c'était mal organisé, que peut-être des gens sont morts de froid, peut-être, on ne peut pas l'affirmer. N'empêche que le soupçon est très lourd. Et puis, Rontazieff nous explique à quel point ça peut être difficile, même dans des pays développés, bien équipés comme la France. Qu'en pensez-vous? Écoutez, les rescapés ont été pris en charge dans l'improvisation la plus totale, en dépit du bon sens. Ce ne sont pas des secouristes, ni des médecins, ni des infirmières, mais des militaires qui vont s'en charger. Alors, je n'ai rien contre les militaires, mais bon, je ne suis pas persuadé qu'ils soient les plus à même de prendre en charge des blessés de cette nature. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des blessés descendre sur une civière au mieux. On utilise aussi de simples couvertures, faute de mieux. J'en ai vu aussi transportés à dos d'homme. On est quand même en 92, à 50 km de Strasbourg, pardonnez-moi, je ne suis pas persuadé qu'on soit la référence en la matière ce soir-là. Philippe, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Julien Clerc dans sa chanson de 1992, bien sûr, Utile. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile, à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile, à vivre et à chanter. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, la, la, la, la, la, la, la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile, à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile, à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Philippe Bette, vous êtes notre invité. Je rappelle que vous avez couvert cette catastrophe du Mont Saint-Odile, cet Airbus A320 Terre Inter qui s'est crashé sur cette montagne à 20 km seulement de Strasbourg. Alors bien sûr, il y a d'autres polémiques, notamment sur les responsabilités Airbus, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et puis les secours, toujours ces secours. Un dernier mot, je vous sens très marqué par ça, justement, par l'inorganisation des secours, comme une colère qui ne s'est pas apaisée depuis ces années. Quelque part, un sentiment d'injustice vis-à-vis des victimes, d'abord, et puis ensuite des rescapés qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas entendus, et pourtant ils avaient des choses à dire. Et puis enfin, vis-à-vis des villageois et de tous ceux qui ont approché le site de la catastrophe, on n'a pas compris pourquoi de simples journalistes avaient finalement trouvé la carlingue, comment Comment se pouvait-il que les militaires, avec les moyens que l'on peut imaginer, n'aient pas pu trouver ce crash, enfin ce lieu de crash, et ne pas agir en conséquence? Je pense que là, la justice n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Je ne parle pas évidemment de la polémique autour de l'avion, proprement dit, mais je pense que on aurait pu très très légitimement attendre une information, en tout cas un début d'information judiciaire sur ce qui s'est passé. Alors, après, la justice aurait pu dire, ben non, il n'y a pas lieu de statuer, il n'y a pas lieu de... Mais je pense que c'était nécessaire. Je pense que c'était strictement nécessaire. Et vous pensez qu'on n'a pas voulu enquêter autour d'une question trop sensible pour le coup? Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Je vais vous dire, c'est une anecdote. Bon, hélas, elle est scabreuse, hein, elle est morbide. Quand je suis arrivé sur le site, j'étais donc dans cette colonne de militaires et évidemment, je n'étais pas censé être là et personne ne savait que j'étais journaliste. Et quand je suis arrivé, il y avait évidemment plein de cadavres par terre. Bon, c'était très difficile et j'ai vu l'officier se pencher pour voir si cet homme qui était à terre était encore vivant. Et il n'était plus vivant et voilà. Et à ce moment-là, curieusement, il a eu une formule, périmètre de sécurité, éloigner les journalistes. Pardonnez-moi, après 4 heures d'un accident de cette nature, la priorité, ça n'est pas d'éloigner les journalistes, c'est de venir en aide aux rescapés, aux victimes, si tant est qu'elles sont encore vivantes. Alors, autre question qui peut provoquer le malaise, effectivement, la question des responsabilités. Est-ce que, alors je sais, vous n'êtes pas, tout comme moi d'ailleurs, un spécialiste de l'aéronautique, en tout cas d'un point de vue technique, mais est-ce que vous avez eu, vous, ce sentiment selon lequel, à l'époque, les enjeux commerciaux de la 320 étaient tellement énormes? Et la preuve, aujourd'hui, hein, les A320, on voit partout. Quand vous montez dans un avion, une fois sur deux, vous êtes dans un A320. Est-ce que vous pensez que ça a pu biaiser les choses, biaiser le procès? Vous avez eu ce sentiment-là? En toile de fond, oui, probablement, il y a des enjeux qui nous ont tous dépassés. On va dire, pour simplifier les choses, la raison d'État. Derrière ça, il y a autre chose il y a une autre chose qui est importante, c'est que le contrôleur aérien était militaire. Hein. Vous l'avez peut-être pas précisé, je ne sais pas. La responsabilité de l'armée était déjà engagée au moment de l'accident. Mmh. Et je pense que l'armée, d'emblée, a pris le contrôle de toutes les opérations. Et c'est ce qui peut expliquer ensuite les retards à l'allumage du dispositif de sécurité, parce que pardonnez-moi, pour envoyer une ambulance du SAMU ou une ambulance de pompiers sur une route à 40 km de Strasbourg, il ne faut pas 4 heures ou 5 heures. Et compte tenu des horaires que je vous ai donnés, je pense que très rapidement l'évacuation aurait pu se faire dans les règles de l'art. Mais je pense qu'il y a eu un défaut de coordination, en tout cas il y a une coordination défaillante dans les moyens de secours et une discipline toute militaire, hein, je pèse mes mots, c'est sans doute imposé là où finalement l'on attendait qu'une médecine d'urgence. Les fréquences radio n'étaient pas les mêmes entre les militaires et les civils. Les ambulances du SAMU, vous l'avez dit, sont restées cantonnées, casernées même dans la vallée, alors qu'on les attendait auprès des blessés. La colonne de secours qui s'est rendue sur le lieu du crash est arrivée très tard. Et alors là, curieusement, j'étais très surpris de voir arriver des blindés. La colonne de secours était conduite par des blindés. Pardonnez-moi, mais on n'était pas sur un champ de bataille, on était sur le lieu d'une catastrophe aérienne. Philippe Bette, est-ce que vous avez interviewé les familles de victimes? Ensuite, vous les avez rencontrées? Si oui, j'ai une belle histoire. Oui, j'ai une belle histoire à vous raconter. Parce que bon, dans cette nuit d'horreur, il y a quand même de belles histoires. C'est que finalement, quand je suis redescendu, bon, je me suis évidemment pas attardé sur les lieux parce que bon, les blessés étaient évidemment évacués dans les conditions que j'ai citées. Et finalement, j'ai pris conscience rapidement qu'il y avait le petit Romain qui était vivant. Et j'ai appelé tout de suite ma rédaction en leur disant: essayez de joindre la maman pour lui dire qu'il est vivant. Voilà. Alors, je ne sais pas si le message lui est parvenu. En temps et en heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était la belle histoire de cette soirée. Et quelle trace ça a laissé chez vous, la couverture de cet événement? Parce que les gens n'imaginent pas, hein, que les journalistes sont toujours distanciés. Les journalistes sont des femmes et des hommes, avec leur sensibilité, bien sûr. Et quand ils s'approchent de sites comme ça, ils sont ébranlés. C'est normal et ça peut durer un peu. Quelle trace ça a laissé, vous? Sur vous. Vous l'avez entendu, hein, je parle avec mes tripes là, hein, donc voilà. Donc cette catastrophe n'a rien à voir, évidemment, avec celle du 24 mars dernier. Bon, à ceci près que le 24 mars dernier, c'est un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings qui s'est écrasé, mais pas pour des problèmes techniques. Hein. On sait pourquoi. Quelle était votre réaction, vous, quand vous avez vu cette catastrophe, puis quand vous avez vu tous les débris sur une montagne et sans sans faire un lien direct, parce qu'il n'y a pas de lien rationnel, mais il y a un lien peut-être irrationnel, hein, montagne, A320, Airbus, quelle était votre réaction ? Bah, je vais vous dire, c'est un peu comme les rescapés qui ont témoigné donc de la catastrophe du Mont-Saint-Odile, à qui on posait la question, mais qu'est-ce que ça vous fait ? Ben, ça m'a fait la même chose, c'est-à-dire que je me suis remémoré tout de suite la catastrophe du Mont-Saint-Odile. Alors évidemment, c'est pas la même catastrophe. Là, c'est en pleine journée. Apparemment, il s'agit d'un acte délibéré du pilote. Les secours ont été extrêmement efficaces. Là, il faut saluer le travail qui a été fait par les militaires. Hein. Il n'y a pas eu de retard à l'allumage. Je crois que tous les dispositifs ont été mis en place. Un Mirage a décollé. Il a tout de suite repéré le lieu du crash. Ensuite, on a fait décoller une Alouette avec un médecin à bord pour vérifier qu'il n'y avait pas de survivants. Il n'y avait pas de survivants. Vivant. Donc je pense que là, les protocoles ont été mis en place, ont été très efficaces. Mais personnellement, c'est toujours une douleur. Bien sûr. En tout cas, il me reste à vous remercier, Philippe Bess, pour la clarté de votre témoignage, la clarté de vos souvenirs et puis votre engagement personnel, notamment par rapport à cette question polémique des secours. Merci Philippe Bess. Merci Fabrice. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe du Mont-Saint-Odile, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'attentat de la rue des Rosiers à Paris en 1982.